بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يعني on commence le cours 66 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et le nouveau chapitre ou la nouvelle section qu'on commence aujourd'hui, Faslun, وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأولياء ليسوا بأنبياء يعني أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. Donc la nouvelle section qu'on va commencer maintenant, le titre de cette section c'est le suivant, ou bien le sujet c'est le suivant, c'est d'expliquer que les salafs de cette umma, les pieux prédécesseurs de cette umma, se sont mis tous d'accord, hein, ainsi que les imams de la religion sont tous d'accord, hein, ainsi que les awliya d'Allah, le reste des awliya d'Allah sont tous d'accord aussi sur le principe et sur le fait que les prophètes sont meilleurs que les awliya qui ne sont pas prophètes. Les prophètes sont meilleurs que les awliya qui ne sont pas des prophètes. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens parmi les gens de Bid'ah qui ont contredit à ce sujet-là et qui ont prétendu que les awliya sont meilleurs que les anbiya. Yani, بعض المنحرفين من أهل البدع خالفوا هذا الاتفاق وادعوا أن الأولياء أفضل من الأنبياء. أي نعم، وهذا ضلال. Donc, Cheikh al-Islam, il a dit ça. Maintenant, Cheikh al-Fawzan, il explique. Cheikh al-Fawzan, il dit, في شرحه اتفق المسلمون والسلف والسلف الصالح وأئمة الهدى وسائر أهل السنة أن أفضل أولياء الله هم الأنبياء وأنهم أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء فلا أحد يساوي النبيين في منزلتهم عند الله عز وجل لأن النبوة لا يعدلها شيء من الفضائل ثم يأتي بعد الأنبياء الصديقون يعني جمع صديق وهو الكثير الصدق الذي لا يستر عنه كذب كما قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا. يعني فالصديق هو الكثير فهو كثير الصدق الذي يقول الصدق ويتحراه يعني يتحرى الصدق فيما يبلغه وفيما يسمعه ويتحرى الصدق فلا يخبر إلا بما رآه صدقا فهو يحب الصدق دائما مع الله والصدق مع الخلق هذا هو الصديق ثم بعده الشهداء ثم بعد الشهداء بقية المؤمنين كما في قوله عز وجل ومن يطع الله ورسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذه مراتب أهل الفضل في هذه الأمة الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحون وأما عند الصوفية فعندهم ينقسم الأولياء إلى خاتم الأولياء وغيره فعندهم أفضل الأولياء خاتمهم وهو أفضل من بقية الأولياء ومنهم من يغلو فيقول الأولياء أفضل من الأنبياء يعني خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء كما يأتي وهذه طريقة الصوفية أنهم يغلون في الأولياء حتى وإن منهم من يفضلهم على الأنبياء والعياذ بالله ولهذا يقول شاعرهم يعني ابن عربي المنكر الصوفي الضال المنحرف الدجال يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي يعني فويق الرسول ودون الولي الله المستعان صار فصار الولي عندهم فوق الرسول وهذا أعظم الضلال والعياذ بالله لأنهم يقولون إن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه النبي فيفضلون الولي النبي يأخذ بواسطة يعني بواسطة الملك أو أما الولي فهو يأخذ مباشرة عن الله عز وجل بدون واسطة فيزعمون لأوليائهم أنهم يجالسون الله عز وجل وأن الله يعطيهم من العلم مباشرة وهذا كله نتيجة والعياذ بالله الضلال واتباع الشيطان والإعراض عن الكتاب والسنة والصحيح أن الأنبياء أولياء لكنهم أفضل الأولياء هذا الكلام واضح نعم الحمد لله donc Cheikh Al-Fawzan il explique il dit les musulmans sont d'accord les salaf al-salih les pieux prédécesseurs les sahaba les tabi'in les tabi'i tabi'in les imams de la guidance parmi les grands imams de l'islam et tous les gens de Ahl sunnah parmi les ulama et le reste des gens de la sunnah ils sont tous d'accord sur le fait que les awliya d'Allah ce sont en premier les prophètes ce sont en premier les prophètes et que les meilleurs d'entre les awliya qui ne sont pas des ils sont meilleurs c'est-à-dire les prophètes sont meilleurs que les awliya qui ne sont pas des prophètes d'accord donc les prophètes sont les meilleurs awliya d'Allah et ils sont meilleurs que les awliya qui ne sont pas des prophètes donc il n'y a personne qui peut arriver à égalité avec le degré des prophètes par rapport à Allah c'est-à-dire il n'y a personne parmi les awliya qui peut atteindre le degré des prophètes dans leur degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça que la prophétie le fait d'être un prophète il n'y a rien qui peut être équivalent ou égal à cela parmi les mérites et parmi les grâces et le cheikh il explique ensuite que ensuite après les prophètes qui vient c'est As-Siddiqoun. As-Siddiqoun, c'est-à-dire les véridiques. Et le terme As-Siddiqoun, c'est le pluriel du mot Siddiq, qui veut dire celui qui est constamment véridique, qui dit toujours la vérité. Qui dit toujours la vérité et que celui de qui on n'entend aucun mensonge et de qui provient aucun mensonge. Comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit « Wa inna ar-rajul » وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أو حتى يكون صديقا هذا في الحديث donc c'est à dire l'homme il va être véridique il va dire la vérité et il va se forcer et continuer à toujours être véridique et à dire la vérité jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'écrive comme étant un véridique donc le véridique صديق c'est celui qui est toujours en train de d'être dans la vérité et dans le vrai et qui dit que la vérité et qui ne ment pas donc c'est lui qui est As-Siddiq donc il recherche la vérité dans ce qui lui parvient comme information dans ce qu'il écoute et il recherche la vérité également dans ce qu'il dit dans ce qu'il propage dans ce qu'il transmet et il est véridique dans le sens aussi qu'il accepte la vérité et donc il ne va pas informé de quelque chose excepté s'il considère cette chose comme étant vraie et comme étant véridique aussi donc il aime la vérité et en premier la vérité avec Allah et d'être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala ensuite la vérité et d'être véridique avec les créatures avec les autres personnes donc c'est lui qu'on appelle As-Siddiq Et ensuite, après ce degré-là, donc il y a le degré des prophètes, après le degré des véridiques, après le troisième, c'est le degré des shuhada, c'est-à-dire les martyrs. Shuhada, c'est-à-dire les martyrs. Et ceux-là, donc, ils sont le degré suivant, puis ensuite, le reste des croyants, c'est-à-dire as-salihun. Comme c'est mentionné dans le verset 69, dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, quiconque obéit, celui qui obéit à Allah et à son messager, alors ceux-là sont parmi ceux, sont parmi ceux qui ont reçu la grâce d'Allah sur eux, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, les vertueux. Et quelle belle compagnie que yani, la compagnie de ceux-là. Et il dit ensuite, le cheikh, que ça c'est les degrés des hommes dans leur mérite par rapport à cette umma. En premier c'est les prophètes, ensuite c'est les véridiques, ensuite c'est les martyrs, et ensuite c'est les vertueux. Et il dit, tandis que chez les soufis, chez les gens de bid'a parmi les soufis, eux, ils ont une autre façon de diviser les hommes. Hein? Donc ils classent les awliya. Premièrement, ils disent que les awliya, le meilleur d'entre les awliya, c'est Khatimul Awliya. Donc ils ont inventé une bid'a qu'ils appellent Khatimul Awliya. Meaning, en voulant dire le dernier des awliya. Celui qui est venu clore ou terminer la succession ou la série de awliya. Et ça, c'est du. هذا باطل يعني حتى هذه التسمية يعني كون الإنسان يكون خاتما للأولياء هذا باطل لماذا؟ لأن تعريف الولي هو المؤمن التقي فكل مؤمن تقي هو ولي فعندما تقول خاتم الأولياء معنى ذلك أنه آخر المؤمنين والمتقين وهم يدعون أن خاتم الأولياء هو فلان وفلان من الناس الذين ماتوا قبل ممكن 200 سنة أو أكثر فكيف يكون هذا هل كان هو آخر المؤمنين وكل الذين جاءوا بعده كفار أو ليسوا مؤمنين ليسوا متقين فهذا كذب يعني الله المستعان. Donc, parmi les exemples qui montrent la fausseté de cette appellation, ou de dire que quelqu'un peut être le sot ou le dernier des awliya, c'est que la définition même du terme wali, c'est le croyant qui est pieux, qui a taqwa. Et donc, le dernier des awliya, c'est le dernier des musulmans, le dernier des croyants, celui qui va être le dernier, qui va vivre jusqu'à avant la fin des temps. C'est lui qui va être le dernier. Mais on va pas dire, même encore là, on va pas dire que c'est le meilleur. آخر المؤمنين الذين يعني قبل يوم القيامة الذي سيكون آخر المؤمنين فسيكون آخر الأولياء ولكن هل هو أفضلهم؟ لا يعني لا نقول أنه أفضلهم أفضل الأولياء هو أولا الأنبياء ثم بعد ذلك الصديقين ثم الشهداء إلى آخره كما ذكر الشيخ ويعني لا نقول أن الأفضل هو آخر أو خاتم الأولياء ولكن عند الصوفية أفضلهم هو خاتمهم يعني chez les soufis le meilleur c'est le dernier et pour eux le dernier c'est pas le dernier des croyants c'est un parmi les shuyukh à qui ils ont attribué ce titre. Yani, parmi ceux qui se sont attribués ce titre, certains ils appellent, par exemple, Ibn Arabi, ils l'appellent Sheikh al-Akbar. Par exemple, Ibn Arabi, sammunahu Sheikh al-Akbar. واحد من أئمة الصوفية أو مؤسسية الطرق, Ahmed Tijan. C'est un des fondateurs d'une des turq soufia, Tariqa Tijaniya. Fa huwa yad'i annahu khatim al-awliya. Il prétend qu'il est le dernier des awliya et qu'il est donc par conséquent le meilleur des awliya. Et ça c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est batil parce que le dernier des awliya, c'est le dernier des croyants. Et donc yani la raison pourquoi eux ils prétendent ce genre de choses, c'est que la définition du wali pour les soufis, c'est pas la même chose que la définition du wali telle qu'elle se retrouve dans le Coran. يعني تعريف الصوفية للولي يعني يختلف عن التعريف الحقيقي الإسلامي يعني الذي هو موجود في القرآن. عندهم تعريف للولي آخر، يعني يعتقدون أن الولي هو الذي يتصرف في الكون، وأنه يعرف الغيب، وأنه يعني يعمل كرامات، ويعني هذه الأمور يعني جعلوا الولي جعلوه مثل يعني كأنه إنسان غير عادي غير طبيعي خارق العادة. نعم. Donc ils en ont fait comme un être surnaturel avec des pouvoirs, comme s'il a un contrôle sur l'univers, qu'il peut savoir l'invisible, qu'il connaît l'avenir, qu'il contrôle la pluie. يعني المطر هو الذي يختار متى تنزل ينزل المطر متى كذا متى كذا. يعني إذا استغثت به فهو يعني يأتيك بالفرج يعني من دون الله. يعني si tu l'appelles au secours, il va venir te secourir en dehors d'Allah. يعني tout ça c'est des exemples de غلو, des exemples d'extrémisme et d'exagération par rapport aux أولياء. فهذا التصور للولاية عند الصوفية ليس لها أي علاقة بالإسلام في الحقيقة، وليس لها أي علاقة بما تجده في الكتاب والسنة الصحيحة. نعم. Donc il y a aucune relation entre la réalité du wali dans l'islam et la définition ou bien la conception du wali chez les soufis. C'est deux choses complètement différentes. Et même, yani même chez les chrétiens qui chez eux ont la notion de saint et de sainteté, yani ils n'ont pas un extrême aussi exagéré que ça. Malgré que eux aussi ils ont des notions de shirk chez eux quand ils parlent des saints, hein. Mais qu'est-ce que tu retrouves chez les soufis? C'est vraiment à un autre niveau d'exagération et d'égarement. يعني حتى الذين عند النصارى مثلا عندهم هذا الفكر، يعني الأولياء الأشخاص المقدسين الذين مثلا يتوسطون بهم أو يستشفعون بهم يعني عند الدعاء، ويعني عندما يستغيثون يعني يطلبون منهم البركة والأمور الأخرى، هذا موجود عند النصارى أكثر، وربما يعني كثير من الصوفية أخذوا أفكارهم منهم من النصارى، ولكن زادوا عليها أمورا يعني قد تكون أشد يعني غلوا من التفكير النصراني للولي يعني سبحان الله. Donc ça c'est pour montrer l'exagération à quel point c'est allé loin. Et le cheikh il explique ensuite, il dit que donc pour eux, pour les soufis, le meilleur parmi les awliya, c'est les derniers. Et il dit que ils sont meilleurs que tous les autres awliya qui sont venus auparavant. Hein? Et parmi les soufis, il y en a qui vont jusqu'à même plus que ça. Ils exagèrent encore plus que ça et ils vont jusqu'à dire que les awliya sont meilleurs que les prophètes. Hein? Et que le dernier des awliya est meilleur que le dernier des prophètes. Eh na'am. Yani يقولون يعني خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. Donc il dit, on va l'expliquer de toute façon, le cheikh va en parler de ça plus en détail après. Il dit ça c'est la voie des soufis. C'est comme ça qu'ils ont dans leurs idées, dans leurs conceptions. Hein? Ils disent comme le cheikh va l'expliquer, vous allez voir. Donc le cheikh il dit ils exagèrent, hein? Ils vont dans l'extrême à propos des awliya. Et certains, comme le cheikh dit, ils considèrent les prophètes en dessous du wali, comme Ibn Arabi, une des têtes parmi les soufis. Hein? Il mentionne dans son poème qu'il a écrit que le statut de prophète est dans une partie qui est un peu au-dessus du messager, mais en dessous du statut du wali. Donc la prophétie est un peu au-dessus du messager, mais en dessous du wali. Donc ça veut dire ils ont mis le wali au-dessus du prophète et au-dessus du messager aussi. Hein? C'est grave. Donc, le cheikh dit donc ça, ça veut dire que pour eux, le wali est au-dessus du messager. Et ça, c'est parmi les plus grandes formes d'égarement. Wal'iyadu billah. Parce que eux, ils disent que le wali, pourquoi il est meilleur pour eux que le prophète? Parce que ils disent, le prophète, il prend par un intermédiaire. C'est l'ange qui vient lui donner la révélation. Tandis que le wali, il prend directement d'Allah. Ils disent, le wali, il s'assoit avec Allah. Hein? Il discute avec Allah. Allah musta'an. Et donc, étant donné qu'ils prennent la science d'Allah directement, le résultat pour eux, c'est cet égarement-là. Hein? Donc, le cheikh, il dit, c'est ça le résultat. Ces gens-là, en réalité, ils suivent le shaitan. Et ils se détournent du Coran et de la sunna. Il dit, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est la vérité à ce sujet-là? C'est que les prophètes sont eux-mêmes des awliya, mais ce sont les meilleurs awliya. C'est les prophètes qui sont les meilleurs awliya. Il n'y a pas un wali qui peut dépasser un prophète, jamais. Parce que les prophètes sont eux-mêmes les meilleurs parmi les awliya. Ensuite, le cheikh il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك وعليكم السلام ورحمة الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وفي الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه أخرجه عبد بن حميد في مسنده وأبو نعيم في الحلية وابن حبان في الثقات والخطيب في تاريخه وابن عساكر في تاريخ دمشق وزاد عمر والواسطي في تاريخه يعني ف ici le cheikh Ibn Taymiyyah il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a classifié l'ordre de ses serviteurs parmi ceux qui ont le succès et qui sont heureux et qui ont reçu la grâce d'Allah en 4 degrés et il les a mentionnés dans le verset 69 dans sourate An-Nisa qu'on a cité tout à l'heure. Hein, que ceux qui obéissent à Allah et son messager, alors ceux-là sont parmi ceux qui ont reçu la grâce d'Allah sur eux, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et ceux-là sont, yani, quelle belle compagnie, hein, que leur compagnie. Et il cite également une autre narration dans laquelle il est dit que le soleil ne s'est jamais levé ni couché sur personne de meilleur que Abu Bakr après les prophètes et les messagers. Que le soleil ne s'est jamais levé ni couché sur quelqu'un de meilleur que Abu Bakr parmi les prophètes et les messagers. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, يقول يعني عن الآية ومن يطع الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من هم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يعني أربع مراتب الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحون هذه مراتب المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى donc ça c'est les 4 degrés, hein, les degrés des croyants auprès d'Allah. C'est en premier les prophètes, ensuite les siddiqin, ensuite les martyrs, ensuite les vertueux. Puis, à propos du hadith, le cheikh il dit, par rapport à Abu Bakr, et que c'est lui le meilleur après les prophètes et les messagers, il dit, هذا الحديث يدل على فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الخلق بعد النبيين. ولكن هذا الحديث فيه مقال. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت فضائله fi nususin kathira. Donc le cheikh il dit, le hadith qui parle du mérite de Abu Bakr ici, c'est un hadith, le cheikh il dit premièrement le fait qu'il est le meilleur après les prophètes, c'est ça que le, qui est mentionné dans le hadith. Mais par contre, ce hadith-là, il y a des paroles à son sujet à propos de son authenticité, puisque son authenticité, elle n'est pas établie. Il n'est pas authentique, ce hadith. Toutefois, les mérites et l'excellence de Abu Bakr est établie par de nombreux textes dans le Coran et également dans la Sunna. Et le cheikh il va en mentionner plusieurs. Donc il dit premièrement min al-Qur'an, awwalan min al-Qur'an. Min al-Qur'an qawluhu 'azza wa jalla illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Fa sahibuhu huwa Abu Bakr radiyallahu anhu thani ithnain الرسول وأبو بكر رفيقه في الهجرة رفيقه بعد البعثة في مكة فكان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى أن توفاه الله قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فهذا يدل على فضله وأنه أفضل الصحابة. Donc premièrement par rapport au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la hijra et que son compagnon avec lui était dans la grotte et que Allah subhanahu wa ta'ala justement a révélé ce verset à propos de cet événement, et c'est le verset 40 dans sourate At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ce qui signifie: et si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru, les mécréants, l'avaient banni. Deuxième de deux, c'est-à-dire le deuxième de deux, c'est-à-dire qu'ils, lorsqu'ils étaient ensemble les deux, et quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon Abu Bakr, ne t'afflige pas, ne sois pas triste, car Allah est avec nous. Donc c'est la preuve que Abu Bakr était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit qu'il était avec eux. Qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec Abu Bakr. Non. Huwa awwal man amana bil islam min ar-rijal. Donc Abu Bakr, il était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la hijra, c'est lui qui a fait le voyage de Mecca ou Medina avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était même avant ça, depuis le début de l'islam, il était son compagnon à Mecca, même avant l'islam. Hatta qabla l'islam kana yani da'iman ma'a ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana sadiqu kana qarib minhu wa kana fi sin yani nafs as-sin il avait la même âge, il était déjà ami avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam même avant l'islam. Et il était donc avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a accompagné pendant toute sa prophétie et même avant et jusqu'à depuis qu'il est devenu prophète jusqu'à ce qu'il meure sallallahu alayhi wa sallam anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit à propos d'Abu Bakr: si je devais prendre quelqu'un comme un ami intime, eh bien, j'aurais pris, si je devais prendre quelqu'un comme un bien-aimé parmi les hommes, c'est-à-dire quelqu'un que j'aime beaucoup, plus que tous les autres, eh bien, j'aurais choisi comme Khalil Abu Bakr. Il dit, mais j'aurais choisi Abu Bakr comme Khalil. Khalil, ça veut dire, yani, quelqu'un que tu aimes d'un amour plus que tous les autres. Un amour qui ne peut pas être partagé avec d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je devais avoir un khalil parmi les croyants, j'aurais pris Abu Bakr. Mais étant donné qu'il est le khalil d'Allah, je ne peux pas prendre. Non, il n'y a personne. tu peux rentrer, oui. Donc, ça montre en même temps le mérite d'Abu Bakr radiallahu anhu et qu'il est le meilleur des croyants, le meilleur parmi les sahaba. Il dit ensuite, وَلَمَّا مَرِضَ صلى الله عليه وسلم عهد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فراجعته عائشة رضي الله عنها في أن يأمر عمر رضي الله عنه لأنه أرفع صوتا من أبي بكر رضي الله عنه فغضب صلى الله عليه وسلم عليها وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فهذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه ومناقبه كثيرة فهي تعضد هذا الحديث لأن أبا بكر هو أفضل الخلق بعد النبيين وهذا مثل قوله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأبو بكر من الصديقين رضي الله عنه. Donc lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم était malade à la fin de sa vie, il avait donné la position ou la responsabilité de diriger la prière pour lui à sa place à Abu Bakr. C'est-à-dire quand lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était trop malade pour venir diriger lui-même la salat, il a désigné Abu Bakr radiallahu anhu comme imam pour prier à sa place dans la mosquée. Alors Aisha radiallahu anha, qui est sa fille, qui est la fille d'Abu Bakr, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, demande plutôt à Omar radiyallahu anhu, parce qu'il a une voix plus forte. Et aussi dans une autre narration, elle dit, parce que en même temps Abu Bakr, quand il pleure, quand il dirige la prière, il pleure beaucoup et on n'entend pas bien sa récitation à cause de ça, parce qu'il pleure trop. Khushu' wa yani riqqat al-qalb yani. Donc à cause de ça, à cause de sa douceur de cœur, le fait qu'il est ému, et qu'il est touché par la crainte d'Allah, donc il pleure par la crainte d'Allah, يبكي من من من من الخوف من الله سبحانه وتعالى. Donc à cause de ça, Aïcha radiallahu anha, elle dit, demande à Omar de prier pour à ta place au lieu de Abu Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère, il a dit, non, ordonnez Abu Bakr pour qu'il prie, imam pour les gens. Même dans une autre narration, il dit, inna kunna ka sawahibi Yusuf, ma a'lamu bi adhaba bi lub ar-rajul min al-azim min ihda kunna. Je connais personne qui peut faire perdre la tête à un homme raisonnable plus que l'une d'entre vous. Vous êtes comme les compagnes de les femmes de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Donc c'est pour donner un exemple, pour dire à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour que Abu Bakr radiallahu anhu soit celui qui soit son successeur, pour que ce soit lui qui dirige la prière dans la mosquée pendant sa maladie. Et ça, c'est une indication aussi pour le khilaf après sa mort. Et هذا في نفس الوقت كان يعني كإشارة إلى الخلافة بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فيعني فهم من ذلك يعني الخلافة أي نعم. Le cheikh, il dit ensuite que, donc, ça c'était une des preuves des mérites de Abu Bakr et de son excellence, et il a beaucoup de bienfaits. Donc, le hadith qui est mentionné dans les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, même si c'est un hadith qui n'est pas authentique ou qui n'est pas fort, il est renforcé, et supporté par plusieurs autres hadiths et plusieurs versets et plusieurs choses dans la narration, dans les narrations, et aussi le fait que les meilleurs après les prophètes, qui sont mentionnés dans le verset 69 dans Surat al-Nisa qu'on a récité plusieurs fois déjà, il mentionne ceux qui ont reçu la grâce d'Allah en disant en premier les prophètes, puis tout de suite après as-siddiqin, c'est-à-dire les véridiques. Donc Abu Bakr, il fait partie des siddiqin. Abu Bakr, il fait partie des siddiqin, puisque on dit Abu Bakr as-siddiq, hein, donc il fait partie des véridiques. Le cheikh dit ensuite: Wallahu azza wa jal wasafa Abu Bakr بأنه من أولي الفضل في قوله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد حلف أن لا ينفق على مصطح ابن أثاثة وكان قريبا له بسبب أنه تكلم مع الذين تكلموا في الإفك، فحلف أن لا ينفق عليه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. يأتلي يعني يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فأثنى على مصطح لأنه من المهاجرين في سبيل الله، وإن كان حصل منه من الخطأ ما حصل، ولكن هذا لا يلغي فضيلته، وأمر أبا بكر أن يعيد عليه النفقة. والشاهد قوله ولا يأتل أولو الفضل، فوصف أبا بكر بأنه من أولي الفضل، وهذا وصف من الله عز وجل في كتابه لهذا الرجل العظيم. Donc le cheikh, il mentionne un autre point encore, c'est ce qui est écrit dans le verset 22 dans Sourate An-Nur. Et il y a dedans un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une caractéristique de Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc ici le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Abu Bakr comme faisant partie de Ulul Fadli. Et Al-Fadl en arabe c'est la grâce, hein, c'est la grâce, et aussi ça peut vouloir dire beaucoup d'autres choses, mais ça peut être, comme ici c'est traduit par la richesse, mais ça peut être aussi la grâce, ça peut être le mérite, hein, et ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit et que les détenteurs de grâce et de richesse, au sa'a c'est l'aisance, hein, les largesses parmi vous, ne jurent pas de ne plus faire don aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Et la raison de ce verset, de la révélation de ce verset, c'est par rapport à l'histoire qui s'était produite à l'époque, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certains parmi les munafiqins avaient accusé Aïcha radiyallahu anha de turpitude, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté dans le Coran, et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu avait juré qu'il n'allait plus donner d'aide économique ou financière à un de ses proches qui s'appelait Mistah ibn Uthatha, parce qu'il avait lui-même parlé à propos de cette histoire, hein, de cette calomnie. Alors il avait juré qu'il n'allait plus l'aider et il n'allait plus lui donner d'argent à cause de cette calomnie-là, ou bien qu'il avait parlé de ça. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset dans lequel il mentionne Abu Bakr comme étant celui qui a reçu de la grâce ou qui détient de la grâce, et lui ordonna de ne pas jurer qu'il n'allait plus aider, hein, les les pauvres parmi ses proches, ou les pauvres ou les gens qui ont fait la hijra dans le sentier d'Allah. Et donc, une fois qu'il a entendu ce verset, il a dit, je vais continuer à lui donner nafaqa, je vais continuer à l'aider financièrement. Et Allah avait fait l'éloge de ce compagnon, le proche de Abu Bakr, Mistah, en disant de lui qu'il faisait partie des muhajirin, fi sabilillah. Même s'il a commis cette erreur, il avait parlé dans l'ifk, dans la calomnie, mais ça n'allait pas éliminer son mérite. Ça n'allait pas éliminer son mérite et sa grâce, malgré tout, son excellence. Donc, Abu Bakr radiallahu anhu a continué, il a recommencé à lui donner de l'aide et de l'argent. Et c'est ça qu'on peut tirer donc de ce verset, que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans ce verset d'Abu Bakr en disant de lui qu'il fait partie de Ulul Fadl. Abu Bakr fait partie de Ulul Fadl, c'est-à-dire ceux à qui Allah a fait la grâce et a donné la grâce. Et donc ça, c'est une description d'Allah pour ce grand homme dans son livre. Il dit وَيَكْفِيكَ أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَارْتَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْعَرَبِ مَنِ الَّذِي وَقَفَ فِي وُجُوهِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَثَبَتَ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامِ هُوَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Donc il dit également, il devrait être suffisant pour toi également pour mentionner les mérites d'Abu Bakr, le fait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et que beaucoup d'entre les Arabes ont apostasié et sont retournés à la mécréance, eh bien, qui s'est tenu contre eux et qui a insisté à combattre les apostats? Eh bien, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Et c'est donc à cause d'Abu Bakr que c'est donc par la cause d'Abu Bakr que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi l'islam. Il dit ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وارتجف الصحابة وأصابتهم مصيبة حتى فقدوا توازنهم عند المصيبة إلا أبا بكر رضي الله عنه لقوة إيمانه فإنه ثبت وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فثبت في هذه الحادثة العظيمة ثبات الجبال فله مواقف رضي الله عنه لم يقف غيره من الصحابة فدل على فضله ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعترفون له بالفضل ويقدمونه. Donc le cheikh il dit, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam est mort et que les compagnons ont été secoués et touchés par ce grand malheur, ils ont perdu leur balance à ce moment-là, par rapport à ce grand malheur qui les a touchés, excepté Abu Bakr. Abu Bakr est resté ferme, est resté stable à cause de la force de sa foi. Il est donc resté ferme et il a mentionné, il a mentionné au moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a dit celui d'entre vous qui adorait Muhammad, alors sachez que Muhammad est mort, mais celui d'entre vous qui adorait Allah, alors sachez que Allah est vivant, il ne meurt pas. Donc cette parole est restée, c'est rapporté par Al-Bukhari, cette parole est restée et ça montre, ça, c'est ce qui a raffermi les croyants lors de cet événement-là, et ça montre en même temps la fermeté d'Abu Bakr qui est resté comme une montagne solide devant cette épreuve et ce malheur. Et il a de nombreuses situations comme ça semblables dans lesquelles il a fait preuve de fermeté, et yani, il a pris des positions que les autres sahabes n'avaient pas compris. Les autres sahabas n'avaient pas compris, et c'est donc le mérite qu'il a sur tous les autres sahabas aussi par rapport à ça, et tous les sahabas lui reconnaissent ce mérite et cette excellence, et c'est pour ça qu'il le place en avant par rapport aux autres parmi les croyants. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit ensuite: wa afdalul umami ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أي نعم. Donc le cheikh il dit ici premièrement que cette, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure umma, la meilleure nation, hein? Et le cheikh al-Fawzan il dit à ce sujet là: فَأَفْضَلُ الْأُمَمْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit la preuve de ça, c'est le verset 110 dans surat Al-Imran. Il dit: وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فوصفهم الله بأنهم خير أمة أخرجت للناس في الأولين والآخرين وأفضل هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ثم بقية الخلفاء الراشدين ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. Donc le cheikh il dit le verset 110 dans surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme étant la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Hein, parmi les entre les premiers et les derniers, c'est-à-dire parmi les premiers et les derniers des hommes, les meilleurs et la meilleure nation qui est sortie, c'est la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cause de cette caractéristique qu'ils ont, qu'ils ordonnent le bien, qu'ils interdisent le mal et qu'ils croient en Allah. Et les meilleurs de cette umma sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur d'entre les sahaba, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Ensuite, les autres parmi les khulafa ar-rashidin, c'est-à-dire Omar, Uthman et Ali radiallahu anhum. Et ensuite, les 10 mubashirin bil jannah. Hein? Donc les 6 autres, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et les 6 autres parmi les croyants qui ont été promis au paradis, hein, et qui ont reçu cette annonce-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il cite également le verset 32 dans surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, puis ensuite nous avons fait hériter du livre ceux que nous avons choisis de nos serviteurs, c'est-à-dire cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont hérité du Coran. Et le cheikh il dit à ce sujet-là, يعني الذين ثم أورثنا الكتاب يعني القرآن الذين اصطفينا فهذا فيه فضل هذه الأمة أن الله اصطفاه الذين اصطفينا من عبادنا فهي مصطفاة ومختارة من الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على فضل هذه الأمة. Donc le cheikh il mentionne que cette umma elle est donc une umma qui a été choisie, hein, qui a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisie lui-même. Donc elle est une umma qui est choisie. Et c'est Allah qui l'a choisie. Et ça c'est une des choses qui indique son mérite, le mérite de cette nation, de cette umma. Ensuite il mentionne par rapport au hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith qui est rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad, et c'est aussi rapporté par Tirmidhi ibn Majah: vous valez 70 ummah et vous êtes la meilleure et la plus noble d'entre elles. C'est ça qui est mentionné dans le hadith. Et donc le cheikh il dit ça, c'est il dit: هذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة وأن ذلك يظهر يوم القيامة إذا اجتمعت الأمم 70 أمة هذه الأمة هم خيرها وأكرمها على الله. Donc c'est ça. Dans ce hadith, ça c'est la preuve que cette umma elle est meilleure que les autres. Et ça, ça va être apparent au jour de la résurrection, lorsque toutes les nations seront réunies et rassemblées, les 70, et cette umma c'est la meilleure d'entre elles et la plus honorée, pour Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera la suite de ça au prochain cours. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.